La fuite, comédie fantastique en 8 songes, de Mikhaïl Bulgakov. D'après la mise en scène et l'adaptation radiophonique de Masha Makayev. Traduit du russe par Jean-Louis Chavarot. Réalisation, Baptiste Guiton. Regardez un soldat, ou le nôtre, ou le leur. Il était blanc, il est rouge, le sang l'a empourpré. Il était rouge, il est blanc, la mort l'a blanchi. Tsvetaeva. Autocratie absolue et brutale en Russie. Février 1917, la révolution éclate. Mars 1917, le tsar Nicolas II abdique. Automne 1917, coup d'état bolchevique. 1918, la guerre civile ravage la Russie. Armée rouge et armée blanche s'affrontent. Automne 1920, l'armée blanche de Wrangel se replie en Crimée. 16 novembre 1920, défaite de l'armée blanche. 1920-1921, Russes blancs et réfugiés fuient. Vers Constantinople, puis vers le reste du monde. Dans les années 60, Olga Ivanovna et Georg Ivanovitch Makeyev, mes grands-parents, vivent à Lyon, dans un sombre appartement plein de mauvais rêves. Premier théâtre pour moi que la chambre de ma grand-mère. Petite alors, je m'asseyais sur le parquet au seuil de sa porte. J'écoutais Olga et regardais ce qui, à la nuit tombée, se mettait à flotter de ses rêveries fantastiques. Souvenir de la guerre civile en Russie, de la perte d'un monde ancien, sorte de fantasmagorie à haute voix, où elle convoquait, comme dans une fièvre, des spectres familiers, des fantômes. Gens aimés et perdus, personnages fascinants et demi-fous. Ce qu'ils avaient fait, l'un et l'autre, Olga et Georges, l'exact chemin de l'exil russe dans l'exacte année 1920-1921, celle que retrace la fuite. Bien. Dans un coin de l'appartement, sur un sofa, un dormeur de dos en capote militaire, un jeu de cartes à la main. La petite fille tente de le réveiller. Prend le jeu de cartes, ouvre la haute porte au fond de la chambre. Elle bascule dans le premier songe. Songe 1. J'ai vu en rêve un monastère. Automne 1920, une chapelle perdue en torride. La petite fille referme la porte derrière elle. Dans la pénombre, une cage de fer descend du ciel. Des moines en robe noire traversent un couloir sombre. Au pied du banc, un édredon qui remue tout seul. Au fond de la chapelle, il y a un réfugié. Un jeune universitaire avec des bagages et une jeune femme élégante, épuisée. La petite fille qui a passé la porte est pour eux invisible. Elle écoute. Vous entendez ? J'ai l'impression d'être dans un rêve, parfois, je vous jure. Des semaines que nous fuyons ensemble, vous et moi. Vous et moi. Nous voilà échoués dans un monastère. Vous savez, dans ce chaos, Tout d'un coup, j'ai eu envie d'être à Saint-Pétersbourg. J'ai cru voir distinctement devant moi la lampe verte de mon bureau. Rêverie dangereuse, Sergueï Pavlovitch. Dans ces temps troublés, il valait peut-être mieux pour vous de ne pas quitter Pétersbourg. Non. Ah non, c'est irréversible. On verra ce qui arrivera. Notre rencontre par hasard, dans un wagon sous ce réverbère, il y a quelques jours à peine, et j'ai l'impression de vous connaître depuis la nuit des temps. Je serai heureux lorsque je vous aurai conduite jusqu'en Crimée et confiée à votre mari. Vous me manquerez alors, mais votre joie sera la mienne. Séraphima. Quoi ? Votre main. Vous avez la fièvre. Non, c'est rien, je vous dis. Ah si, vous avez la fièvre, je vois bien. Laissez, Sergueï. Ça va passer. Les papiers, je vous en prie, sortez vos papiers. Ils arrivent, les rouges, les bolcheviks, ils sont là. D'un placard du fond de la chapelle apparaissent et disparaissent des moines en noir. Étrange ronde, le clocher fume. Entre Baïef, commandant rouge, veste de cuir, arme au poing, très excité et comme perdu. À sa suite, deux soldats dont un colleur d'affiche. Que le diable vous fasse tous crever, les moines! Repère de démons! Dites, vous autres, si je découvre quelque chose, moi, Baïef, je vous bute dos au mur, tous jusqu'au dernier, et le vieux diable en chef aussi. Vous faisiez des signaux aux blancs, c'est ça, Païssos? Hein? Seigneur Dieu, que comment pouvez-vous penser une chose pareille, camarade commandant? Mais cette fois-là, c'est qui? Tu m'avais affirmé qu'il n'y avait pas d'étrangers dans le monastère. Vos papiers. Ce sont des réfugiés, des simples réfugiés. Camarade! Nous avons été surpris au village par des tirs. Nous nous sommes précipités dans ce monastère. Camarade Baïef! Camarade Baïef! Rien à signaler au clocher. C'est bon. Allons-y. Tenez. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Plus tard, les papiers. Alors, les moines, vous n'intervenez pas dans la guerre civile? Non, ça non, camarade commandant. Vous priez pour qui, alors? Pour le baron noir? Pour Wrangel? Non. Pour les blancs ou pour les soviets? Allez, va. On réglera ça demain. C'est à n'y rien comprendre. Le district est bien aux mains des blancs. D'où sortent ces rouges? Il doit y avoir un combat pas loin. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Quoi? Ça veut dire que notre général Krapitschkov n'est pas un général, mais un trou du cul. Pardonnez-moi, mais sous votre aide-redon, vous me paraissez très renseignée, madame. D'après les informations que j'ai, c'est ici, à Kerchulan, que devrait se trouver l'état-major du général Charnota. Vous en savez des choses, jeune homme. Il était bien là, le monastère de l'état-major du général Charnota. Et comment? Mais voilà, il n'y est plus. Où est-il passé? Il est parti se faire voir ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe encore, frère Paisios? Oh, mon cher monsieur, nous ne savons pas ce que le Seigneur Christ nous réserve et si nous serons toujours en vie cette nuit. Je grimpe au clocher! Oh, grâce à Dieu, nous sommes de nouveau entre les mains des Blancs. Ferme-la ! Intellectuel de malheur ! On n'est pas à Saint-Pétersbourg ici. On est en Tauride. Faut se méfier. Non, mais écoutez-moi ça. On va se faire repérer avec leur carillon. Idiot de moine ! Entre la jeune Yuska, blouson de cuir allure militaire, Brizard, officier dandy aux airs désinvoltes, il tient un phonographe. Krapiline, le planton, avec une lanterne à la main. De dessous les dredons surgit tout à coup un officier hirsute. À nous les hussards ! À nous les cosaques ! C'est Tcharnota, général cosaque de l'armée blanche. Colonel Brizard ! Yuska ! Vous, ici ! Et moi ? Krapiline ! Tcharnota. Tcharnota ? Tcharnota. Grisha, mon gris-gri. Yuska. Oh non, c'est pas vrai, tu l'auras échappé. Oh, vous entendez, les gars ? On a repris au rouge le général Tcharnota. Oula. Oh non, mais quand je pense qu'on allait faire donner l'office des morts. L'office des morts ? Raconte. Allez, dis-moi, comment c'est possible ? Yuska. Mal, Yuska. J'ai vu la mort d'aussi près que je te vois. Pas mal. Viens, on va au clocher. Attendez, vous autres. Ce serait le diable que je ne trouve pas, moi, comte de Brizard, un individu à éliminer dans ce monastère, juste pour marquer le coup. Celui-là. Les rouges l'ont oublié en filant. Krapiline, viens m'éclairer. Mais qu'est-ce qui vous prend, officier ? C'est son éminence, c'est Monseigneur Africanus. Non, ça alors, mais c'est bien vous, monseigneur. Comment êtes-vous arrivé ici et déguisé comme un chimiste ? Tiens, une femme. Vos papiers, femme. Serafima Vladimirovna, je suis la femme du ministre du Commerce, Korzoukine. J'ai été bloquée à Pétersbourg. À qui ai-je l'honneur ? Comte de Brizard, commandant un régiment de hussards. Mon mari est déjà en Crimée, je suis partie le rejoindre. Mille excuses, madame. Et vous, l'espèce de chenille en civil ? Vous êtes sans doute le procureur du Saint-Synode ? Non, je suis le fils du célèbre professeur idéaliste Golubkov. Je suis moi-même Golubkov, private docent à l'université. J'ai fui Saint-Pétersbourg pour rejoindre les Blancs parce qu'il n'est plus possible de travailler à Saint-Pétersbourg. Une cigarette, Golubkov ? Merci. Ah ben non, je ne fume pas. L'Arche de Noé, ici. Vite ! Il faut se tirer d'ici ! On a tout un bataillon de rouges aux fesses ! On a vu du clocher ! Rougeli veut nous pousser à la mer ! Notre armée bat en retraite ! Il faut fuir en Crimée ! Nous placer sous la protection de Roman Kloudov ! Et plus vite que ça ! Roman Kloudov ! Vous demandez, Serafima ! Les Blancs s'en vont ! Il faut fuir avec eux, sinon nous retrouverons aux mains des rouges ! Hein ? Roman. Non, répondez-moi, Serafima Vladimirovna, répondez-moi, qu'est-ce que vous avez ? Je vous en prie, emmenez-nous, mon général. Serafima Vladimirovna est tombée malade et... Quand même, faut l'emmener. Jolie comme elle est, si les rouges l'attrapent. Serafima ! Faut partir ! Écoutez, Sergueï Pavlovitch, je me sens vraiment mal. Partez seule. Je vais rester ici me reposer. Mais vous n'y pensez pas. Oh là là, j'ai si chaud. Enfin, mais... Serafima, mais qu'avez-vous ? Le typhus, voilà ce qu'elle a ! Nous devons fuir ! Serafima, nous devons fuir ! Krapiline ! Krapiline ! Allez, aide-moi à la soulever, emmène-la de force ! Exact, tout à fait exact, là, faut partir, faut fuir ! Allez, emmenez-vous ! Où pars-tu, général ? Ne défendras-tu pas le monastère qui t'a accordé l'hospitalité et la vie sauve ? Viens pas me bassiner, petit père. Fais bloquer les battants de tes cloches et enferme-toi dans ton souterrain. Adieu ! Père Égoumène, qu'allons-nous devenir ? Les rouges arrivent et nous, saint troupeau, nous avons sonné les cloches pour les Blancs. Qu'allons-nous faire ? Accepter la couronne du martyr ? Où est Monseigneur Africanus ? Où est notre évêque ? Monseigneur ! Monseigneur ! Il a filé, mon père. Il a filé sur une charrette. Oh, pasteur indigne qui abandonne ses brebis ! Il ne nous reste plus que la prière, mes frères. Alors prions, dansons. Les moines tournent et dansent, la chapelle se disloque, la cage des cierges monte et se balance. La petite fille regarde. Une verrière s'avance et bientôt la chapelle a disparu dans les fumées d'une gare. Deviennent de plus en plus pénibles. Novembre 1920, une vaste gare, quelque part au nord de la Crimée. Des officiers d'état-major blancs bloqués là dans le froid glacial. Long banc d'embarcadère. Un grand poêle de fonte qui fume. Pas loin, le local des services secrets. En haut d'une verrière, en vigie, domine Kloudov, général responsable du front. Cet homme élégant a un visage d'ivoire et des cheveux noirs, les joues glabres comme un comédien. Il est malade, Kloudov. Il souffre d'un mal étrange. Depuis lesquels les officiers regardent Kloudov, effroi, faim, épuisement se lisent sur leur visage. Immobile, le regard perdu, Golovan, l'intendance de Kloudov, un jeune homme androgyne qui chante plus qu'il ne parle. Approche Tiki, le chef des services secrets, froid et impassible, sanglé dans un manteau trop petit, et Golovan se méfie de lui. Apparaît Kloudov soudain sur le quai. Voilà plus d'une heure que j'attends. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il exactement ? Que se passe-t-il ? Voilà que les drames commencent, Golovan. Un train blindé, paralysé sur place, plein d'armes, et qui ne passe pas. Amenez-moi le chef de gare. Personne ne nous aime, Tiki. Personne ne nous aime. Et c'est le manque d'amour qui cause les drames, comme au théâtre. Il fume, ce poil ! Non, mon général, il ne fume pas. Accourt le chef de gare. Un petit homme désemparé avec à la main un poil portatif. C'est vous, chef de gare, qui affirmez que le train blindé ne peut pas passer. Exactement, général. Il n'y a aucune possibilité. Avec la manœuvre à la main et avec le froid, tout se bloque. Et ce poil qui fume ? Éteignez ce poil. Il fume. J'ai comme l'impression que vous pourriez avoir des sympathies pour les bolcheviks. Hein? Chef de gare, parlez sincèrement, sans crainte. Vous n'allez pas me soupçonner, mon maréchal. Moi qui ai deux petits-enfants à charge, Olka et Pavlik, déjà du temps de Sa Majesté impériale Nicolas II. Oh, Olka et Pavlik, ils sont encore tout jeunes, vous savez. Lui ! Un homme sincère ? Oui. Non. Vraiment ? Non. Ce qu'il faut, c'est aimer. Tiki, vous savez, je ne suis pas aimé. Hé, chef de gare, envoyez le génie et qu'on me débloque les voies ! Vous avez un quart d'heure. Tiki, si dans ce délai mes ordres ne sont pas exécutés, vous m'arrêtez le commandant et pendez le chef de gare au sémaphore avec le panneau sabotage éclairé par-dessous. Mon maréchal, et mes petits? Il y a mes deux petits, ils sortent pas encore tout seuls, les miens. Une valse. Charne ta rythme, mon général. Allô? Allô? Je vous en supplie, par le Christ roi, vite, fais vite. Les convois pour Taganak voient 4 et 5. Dans un quart d'heure, ils envoient le génie. Oh, dégagez-moi ça tout de suite, je vous en supplie. Vas-y, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Nikolaïevna, ma chère femme, malheur des malheurs. Amène-moi vite la petite Olka, je t'en supplie. Olka? Olka, où elle est cette gamine? Olka! Olka, viens, ta mère! Entre le général cosaque Tchernota, suivi de Liuska, de Serafima, fiévreuse, et de Golubkov avec ses bagages, il voit dans un halo bleu derrière une verrière, 5 pendus dans leur sac. Tchernota se plante devant Khloudov. Tchernota, regarde les sacs. Des pendus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Khloudov? Toi qui sors de l'état-major général, qu'est-ce que tu me fais là? Les pendus? Les sacs? Roman, faut que t'arrêtes. Tu es fou. Silence! Vous, général Tchernota, vous laissez ici votre convoi et vous gagnez sur le champ la Kompkarpov pour prendre position sur le front. À vos ordres. Bon. Tu vas où, Tchernota? Au front. À la Kompkarpov. Je viens avec toi. Tant pis pour les blessés et pour la Serafima, avec son typhus. Yuska, tu risques d'y rester, tu sais ça? Et après? Serafima s'est réfugiée sur un banc, Golubkov à ses côtés. Yuska leur jette un regard et quitte la gare avec Tchernota. La petite Olka, la fille du chef de gare, arrive en courant. Elle tombe sur sa mère qui la cherchait. Oh, te voilà. Te voilà, la petite. Allez, viens. Ton père te veut. Alors, chef de gare, il est passé ce train? Il est passé, mon maréchal. Tout à fait passé. Que fait là cet enfant? C'est Olka. Mon Olieshka, comme je vous disais, c'est ma fille, c'est ma mignonne. Va voir le maréchal. Charmante, cette enfant. Elle joue au cerceau dans les jardins. Tiens, petite. Un bonbon? Les médecins m'ont interdit le tabac. J'ai les nerfs à vif. Les bonbons n'y font rien, je continue de fumer. Et prends, Olka, prends. Il est gentil, le maréchal. Et dis merci à présent. Général Khloudov, j'ai l'honneur de me présenter. Paramon Ilitch Korzoukine, vice-ministre du Commerce. J'arrive de Sébastopol. Le Conseil des ministres m'a chargé de vous questionner sur 3 points essentiels. Je suis venu tout d'abord m'informer du sort de 5 ouvriers arrêtés sur vos ordres à Sébastopol et emmenés jusqu'ici. Golovan, présentez au vice-ministre Korzoukine les individus appréhendés. Veuillez me suivre, monsieur. Là-haut, monsieur, regardez. Ils pendent, les 5 ouvriers. Pour le premier point, la chose est réglée. Le deuxième point, monsieur le vice-ministre, j'attends. Le deuxième point concerne directement mon ministère. Des convois de marchandises de première importance sont bloqués dans cette gare. Je sollicite votre concours afin qu'elle se voit acheminée d'urgence vers Sébastopol. Quelle sorte de marchandises? Des fourrures pour l'exportation. Des fourrures pour l'exportation? À bord de quel train? Voici, général, lisez. Capitaine Golovan, faites amener sur une voie sans issue les convois qui figurent sur ce document. Qu'on les arrose d'essence et qu'on y mette le feu. Troisième point, monsieur Korzoukine, brièvement. Le troisième point, la situation sur le front. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il se passe sur le front? Des tirs au canon? Un poêle qui fume? Des cosaques du Kouban qui n'ont même plus de bottes? C'est grand foutoir, voyez-vous. Et puis, il n'y a pas de cantine, pas de filles à soldats, un ennui mortel. On est là à moisir sur nos perchoirs comme des perroquets. Alors, retournez à Sébastopol, monsieur Korzoukine, et dites bien aux planqués de l'arrière de faire leur mal et leur prière. Les rouges seront là demain. Précisez-leur qu'il n'y aura pas de mouchons de Sibline pour les poufias de l'étranger. Les fourrures. Je vous en foutrais. C'est inouï. J'aurai l'honneur de rapporter tous vos propos au baron Wrangel, notre commandant en chef. Mais faites donc, ne vous privez pas, monsieur le vice-ministre. Le train du haut commandement est entré en gare, mon général. Le baron noir. Wrangel en personne. Quelle allure. Top d'Astrakhan, long manteau jaune, et sur ses pas, monseigneur Africanus. Son Excellence, le général en chef des armées. Messieurs les officiers. Longue vie à votre Excellence. Hurrah ! Hurrah ! Oui, longue vie à votre Excellence. Général Kloudoff, je veux avoir avec vous un entretien confidentiel. Monseigneur, s'il vous plaît. Votre Excellence, il y a 3 heures exactement, l'ennemi a pris Yushun. Les bolcheviks sont en Crimée. C'est donc la fin. La défaite. Est terrible, messieurs les officiers. Devant le lâche retrait de nos alliés occidentaux et l'indigne trahison des Polonais, nous ne pouvons à présent que nous en remettre à la divine providence. Il vous faut prier pour la Russie, monseigneur. Pourquoi ? Pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous envoyer de telles épreuves ? Pourquoi à nous, tes enfants de l'armée du Christ, que ta croix nous protège et que l'ennemi soit terrassé par les armes que tu bénis. Faut immédiatement retourner à Sébastopol, Wrangel. Tenez, Kloudoff, à ouvrir et à lire sans tarder. Ah, je vois. Alors tout était dit, tout était prévu. Attendez, Excellence, attendez que je vous présente mon escorte, l'état-major de l'Empire russe. Spectacle! Longue vie à son Altesse impériale! Non, je n'aime personne, je ne veux pas aimer, je ne suis pas une jeune fille. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un chariot entre, tiré par des officiers demi-fous, avec Brizard sur le chariot, un pansement à la tête. Le comte de Brizard. Commandant des hussards sur son chariot avec phonographe et drapeau en charpie. Il a été blessé, car à la tête, excellent. À la tête, à Tchungar. À la tête, à Tchungar. Pardon, messieurs, vous êtes bien aimables. Est-ce que vous dansez? Balson, Brizard. Suffit! Qu'il rejoigne mon wagon, le comte de Brizard part avec moi à Sébastopol. Le convoi de son Excellence. À Sébastopol, monsieur le comte, à Sébastopol. Non, je ne suis pas une jeune fille. On ne doit pas aimer, c'est banal, l'amour. C'est une souffrance. Et sachez, messieurs les officiers, que la Crimée est le dernier territoire qui reste à notre armée. Fin du spectacle. Adieu, Excellence. Wrangel sort, le chariot repart follement sur la musique. Kloudoff lit le pli laissé par Wrangel. Retrait général. L'état-major est démantelé. Repli sur le champ. Retrait général des troupes. On est vaincu. Elle a la fièvre. N'est-ce pas, Krapiline? Tout est à fait. C'est le typhus. Qui parmi vous est Roman Kloudoff? Laissez-la approcher, Tiki. Kloudoff, c'est moi. Ne l'écoutez pas. Elle est malade. Nous avons fui Pétersbourg, lui et moi. Nous fuyons sans cesse pour aller où? Pour venir nous mettre sous la protection de Roman Kloudoff. Kloudoff, toujours Kloudoff. On le voit même en rêve, ce Kloudoff. Et voilà que j'ai la chance de l'avoir en face de moi, là, assis sur son tabouret, avec tout autour de lui les sacs qui pendent. Les sacs, les pendus. Bête féroce. Chacal. Mon médaillon. Elle a le typhus. Vous voyez bien? Tenez. Elle délire. Vous savez, nous sommes du convoi. Nous voulons simplement fuir. Ils arrivent. Ils arrivent. Les rouges. Ils vont tous vous liquider. Communistes! Non, voyons, messieurs. Enfin, c'est l'épouse du vice-ministre du commerce. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle dit. Intéressant, parce qu'ici, lorsque les gens parlent consciemment, il n'y a rien de vrai. C'est la femme de Korzoukine. La femme de Korzoukine. L'homme aux fourrures. En plus, cette canaille est une femme communiste. Du pain béni. Qu'on me l'amène vite, ce Korzoukine, s'il ne s'est pas encore carapaté. Asseyez-vous, madame. Je me présente, Tiki, chef du contre-espionnage de l'Empire russe. Vos noms et prénoms? Serafima Vladimirovna Korzoukina. Serafima, je vous en prie, répondez. Vous êtes Paramon Ilitch Korzoukine? Oui, c'est moi. Oh, Dieu soit loué! Vous voilà, enfin! Oh, vous êtes venu à notre rencontre. Votre épouse, Serafima Vladimirovna, a quitté Saint-Pétersbourg pour vous rejoindre. Je ne connais pas de Serafima Vladimirovna. Je vois cette femme pour la première fois de ma vie. Je n'attends personne de Pétersbourg. Ça sent le coup monté. Tu me renies, Paramon? Oh. Il me répudie, l'ignoble. C'est un chantage, ma foi. Mais qu'est-ce que vous faites, Paramon Ilitch? C'est pas concevable. Quel aveu de sincérité, monsieur Korzoukine. Eh bien, vous avez de la chance cette fois-ci, l'homme aux fourrures. Dehors! Korzoukine tente de filer par une porte qui résiste. Il file par une trappe. Serafima tente de le retenir, il la repousse violemment. Bien, Kloudoff. Allez, on les embarque pour Sébastopol, au local des services secrets. Vous savez où nous sommes de gens éduqués, donc je vous le démontrerai facilement. Il suffira d'ajouter des registres et je vous permettrai assez doucement. Hé, Krapiline! Mais toi qui aimes parler, prends ma défense. Et dis-toi... Kloudoff, c'est comme on dit dans les livres, chacal, espèce de chacal, comme s'il suffisait de pendre des pauvres gens pour gagner la guerre. Pourquoi que t'as laissé massacrer les soldats à Prekop, hein? Bête de la Apocalypse! Il n'y a que cette femme qui t'a tenu tête. Elle a eu pitié des pendus. Elle! Mais comment on fait pour t'échapper à toi? Dès que t'en attrapes un, allez, hop, dans le sac, pendu! T'es nourri de charogne ou quoi? Vous me permettez de l'éliminer, mon général? Attends, Tiki. Dans ce qu'il dit, il y a une vraie pensée sur la guerre. Il a du bon sens. Continue. Soldat, parle. Skounski et Gourine, les sbires de Tiki, arrivent du local des services secrets, avec un pot de peinture et un panneau de bois. Tiki les rejoint. Un des sbires peindra sur le panneau « Krapiline bolchevique ». Les gritos. Comment tu t'appelles, soldat? Mon nom, mais pourquoi faire mon nom? Personne le connaît. Je m'appelle Krapiline. Le planton, mais je te le dis, toi, Kloudov, tu vas bien finir par crever, chacal. Allez, hop! Dans la fosse, la bête féroce, t'es là, sur ton tabouret, mais tu vas pas tarder à te tailler comme les autres. Tu vas foutre le camp, Constantinople. T'es bon qu'à faire pendre les femmes et les métallos. C'est faux, soldat. Je me suis battu. J'ai traversé Tchankar, musique en tête, et j'ai été blessé deux fois là-bas. Ta musique? Partout en Russie, on crache de dessus. Krapiline, Krapiline, c'est mon nom là sur le panneau, c'est écrit là, mon nom. Ayez pitié de Krapiline, le planton. Mon général, faut me pardonner, j'avais perdu la tête. J'avais perdu la tête, moi. Krapiline. Mauvais soldat! Tu avais bien commencé la scène, et tu l'as fini très mal. Tu te traînes à mes pieds. Qu'on le pente, celui-là, hors de ma vue. Tous au train, messieurs, sans exception. Repli sur Sébastopol. On file, on détale. Feu à volonté sur Kadanak. Et on les explose en guise d'adieu. Ensuite, on fait sauter la voie derrière le convoi. Et on file à Sébastopol. À présent, tout se disloque. Dans la fumée des combats, de toutes parts, les officiers fuient. Les verrières de la gare tournent et disparaissent comme par magie. Kloudov, resté seul sur son tabouret, une seringue de morphine à la main, se pique dans la cuisse. Il a la vision de Krapiline pendue. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis réellement atteint. Je suis malade. Et de quoi je serai malade? Je ne sais pas au juste. Disparaître? Idiote, cette Nikolaïevna, mais quelle idiote, ma femme! L'a laissée partir dans la nuit, la petite. Olka? Olka? Où es-tu passé? Ah! Ah, viens, ma fifi, viens. Viens, ma petite, viens voir ton papa. Oh, regarde pas les pendus là-bas, va. Viens, allez, on rentre. La gare a disparu. Seuls les néons du local des services secrets clignotent. Songe 3. L'aiguille, lui, En rêve. Novembre 1920, dans un local du contre-espionnage à Sébastopol. L'estrade en bois de Tiki, un bureau de métal, une chaise de cuir vert, un petit tabouret, une haute pile d'archives, éclairage cafardeux. Tiki rejoint son bureau. Les sbires, Gourine et Skounski poussent Golubkov terrorisé face à lui. Golubkov cherche où poser son chapeau. Veuillez vous asseoir. Oui, le tabouret face à moi. Je vous remercie. Vous m'avez l'air d'avoir une certaine éducation. J'ose espérer, Golubkov, que vous saurez comprendre l'importance pour nous et pour le haut commandement de connaître la vérité sur les faits. Les rouges font courir des bruits ignobles sur le contre-espionnage russe. Nos services mènent en réalité une action difficile et des plus loyales pour la défense de l'État contre le bolchevisme. Partagez-vous cet avis, monsieur Golubkov ? Voyez-vous, je... Je vous fais peur ? Oui. Mais quelle idée ! Vous a-t-on fait le moindre mal en vous conduisant jusqu'ici à Sébastopol ? Gourine, Skounski, on lui a fait du mal ? Non, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez fumer ? Merci. Ah ben, non, je ne fume pas. Je vous en prie, dites-moi ce qui lui est arrivé. De qui parlez-vous ? D'elle. De Serafima Vladimirovna. Vous savez, elle a été arrêtée en même temps que moi. Mais c'est une affaire stupide, vous assure. Enfin, elle a eu une crise. Elle est vraiment malade. Malade ? Oh, comme vous êtes ému. Le typhus, vous comprenez, c'est... Calmez-vous. Okay. Je vous parlerai d'elle plus tard. Bon, je retire vos lunettes. Non. Assez joué les universitaires, on arrête ici la comédie, espèce de salopard, tu te crois où ? Levez-vous, Golubkov, et redressez-vous. Oh, Seigneur Dieu. Comment t'appelles-tu réellement ? Vous me troublez. Je m'appelle bien Golubkov. Est-ce que tu piges que tu es à ma merci ? Personne ici pour venir à ton secours, compris ? Personne ? Compris. Bien, alors, on se met d'accord, tu vas me dire toute la vérité. Skounski, l'aiguille. Regarde, Golubkov. Si tu me mens, je branche l'aiguille et je te pique. Je vous jure que je suis vraiment... Silence ! On répond quand on est interrogé. Asseyez-vous, je vous prie. Vos prénoms et noms de famille. Sergei Pavlovitch Golubkov. Sergei Pavlovitch Golubkov, où êtes-vous domicilié ? Où ? À Pétersbourg. Pétersbourg. Pourquoi avez-vous quitté la Russie et les Soviets pour venir en territoire blanc ? Je cherchais depuis longtemps à me rendre en Crimée. Les conditions de vie à Pétersbourg ne me permettaient plus de travailler vraiment. Et c'est dans le train que j'ai fait la connaissance de Serafima Vladimirovna. Elle aussi partait se réfugier là-bas. J'ai rejoint les Blancs avec elle. Dans quelle intention la prétendue Serafima Vladimirovna voulait-elle rejoindre les Blancs ? Je suis certain, je sais avec certitude qu'elle se nomme Serafima Vladimirovna Korzoukina. À la gare, Korzoukine a déclaré devant vous que c'était faux. Je vous jure qu'il a menti. Mais pourquoi aurait-il menti ? Il a pris peur. C'est un lâche. Il a flairé le danger. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous dis la vérité. Vous avez les nerfs à vif, monsieur Golubkov. Je ne fais que prendre votre déposition, comme vous le voyez. Rien de plus. Il y a longtemps qu'elle appartient au Parti communiste. Mais c'est impossible. Oui. Vous allez finir d'écrire ici, sur ce papier, tout ce que vous avez déclaré. Je vais vous le dicter, ce sera plus simple. Prends mes lunettes. Merci. Je vous préviens, si vous arrêtez d'écrire, je vous pique. Sinon, vous n'aurez rien à craindre de moi, je ne vous ferai aucun mal. Je sous-signais Golubkov Sergei Pavlovitch, interrogé le 31 octobre 1920 dans le local de la section du contre-espionnage de l'état-major général commandant le front, déclare ce qui suit de point, écrivait Golubkov, Serafima Vladimirovna Korzoukina, épouse de Paramon Ilyich Korzoukine, et membre du Parti communiste. Oui. Ne vous arrêtez pas. Est venue de Pétersbourg à Sébastopol dans la zone tenue par les forces de l'armée du Sud à des fins de propagande soviétique et de liaison avec des agents clandestins ennemis. Point. Signé. Signé. Je vous remercie pour cette déclaration spontanée, monsieur Golubkov. Je suis à présent convaincu de votre innocence. Pardonnez ma légère brusquerie, parfois, vous pouvez disposer. Avance. Algorine, fais venir Korzoukina. Elle est comment ? Ça a l'air d'aller. Vous m'avez l'air souffrante. Ce ne sera pas long. Prenez ce siège en face de moi. Dès que vous aurez avoué être venu à Sébastopol à des fins de propagande, je vous relâche. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Quelle propagande ? Pourquoi, mon Dieu, suis-je venu ici ? C'est quoi cette verse ? Jonathan. Avec ces hommes ? Non, ne changez pas de sujet, madame. Votre complice Golubkov a avoué, lui, que vous étiez là à des fins de propagande bolchevique. Sortez d'ici tous. Laissez-moi dormir. Madame, reprenez-vous. Serafima Vladimirovna. Élisée. Pétersbourg. Agent clandestin ennemi. Communiste. Mais il est devenu fou. Hélène, on veut me tuer. Charnotte, au secours. Boris Kouski, vite, elle brûle la déposition. Reprenez-le une papier. Tant merde. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Charnotte, c'est vous? Défendez-moi, général. Regardez ce qu'ils me font subir. Regardez, ils ont forcé Golubkov à écrire contre moi. On vous a prié, général, de quitter illico les locaux du contre-espionnage. Illico les locaux, et puis quoi encore? Dites, qu'est-ce que vous faisiez à cette femme? Faites venir la garde! Je vous en foutrais de la garde. Qu'avez-vous fait à cette femme? La plaisanterie va vous coûter cher, général Charmantin. Fumée bleue envahit l'espace, le local des services secrets se disloque. L'estrade du Tiki s'éloigne dans les ténèbres. Derrière une haute verrière apparaît un palais en désordre, pluie de cendres. Songe 4. Ouvre les guillemets, et une multitude de gens d'origine diverse partit avec eux. Fermez les guillemets, dit la Bible. Dans un palais dévasté à Sébastopol. L'état-major russe replié, crépuscule étrange, mobilier saccagé, lustre brisé, des chaises noires, une cage et un perroquet. Un téléphone glisse sur la cheminée comme par magie. Wrangel est de dos. Il brûle des archives. Sentinelle, vous pouvez entrer toutes les 3 minutes. Je vais recevoir autant que possible. C'est à quel sujet, monsieur? Korzoukine, vice-ministre. C'est au sujet de mes convois de fourrure pour l'étranger. Oh, mais vous arrivez bien, monsieur Korzoukine. Je comptais vous faire appeler malgré le chaos qui nous entoure. Monsieur le vice-ministre, est-ce que je ressemble à Alexandre le Grand? Non, mais je vous pose une question sérieuse. Je lui ressemble, oui ou non? Oh, c'est bien vous, le rédacteur en chef de ce journal? Oui, vous êtes responsable de tout ce qui s'y écrit, non? Le commandant en chef parcourt le quai de gare semblable à Alexandre le Grand. Bon, non, mais que signifie cette ineptie? Des quais de gare, à l'époque d'Alexandre le Grand. Oui, et moi, Wrangel, je lui ressemble peut-être. Mais poursuivons. À seulement regarder son visage joyeux, le doute sur notre victoire contre les Rouges vole en éclats tel un ver rongeur. Vous avez déjà vu un ver rongeur qui vole en éclats, vous? Et alors, comme ça, j'ai l'air joyeux. Joyeux de quoi? Oh, de la défaite! Non, de la catastrophe! Mais d'où vient ce remugle de désinformation rédigé par des analphabètes, monsieur Korzoukine? Comment avez-vous pu laisser rédiger cette saleté de mensonge 2 jours avant la débâcle? Moi, je vous ferai passer en jugement à Constantinople pour manipulation, ça. Oui, croyez-moi! Oh. Les cartes. Ouh. Ah ben, je l'ai pas volé, celle-là. Qu'est-ce qui m'a pris de venir me plaindre de ce cinglé de Kloudoff à cet autre fou? Oui, Serafima Vladimirovna a été arrêtée, alors qu'est-ce que j'y peux? Si elle doit y passer, paix à son âme. Je ne vais pas risquer ma vie pour la peau d'une femme. Notre Alexandre le Grand est un vrai butor. Moi, passer en jugement, on me compte là-dessus, Wrangel. Paris n'est pas Sébastopol. Et moi, je file à Paris. Et soyez tous maudits, vous autres. Maintenant et à jamais. Et dans les siècles des siècles. Amen. Korzoukine, mais que se passe-t-il, monsieur le vice-ministre? Ah oui, c'est ça, Africanus. C'est ça, l'évêque. Ainsi soit-il. Oh, vous ici, mon général. Mais c'est bizarre. Korzoukine était là à l'instant. C'est bien vous, monseigneur Africanus, qui m'aviez offert cette Bible à l'état-major. Et comment? Je me revois la lire, votre Bible, la nuit, par ennui, dans mon wagon. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a recouverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. De qui est-il question, là, dans ce passage? De qui, vraiment? J'ai une bonne mémoire, non? Et l'autre, là-bas, le Wrangel, qui m'accuse, qui dit que je suis fou. Qu'est-ce que vous avez à rester planté là, monseigneur? Mon général Kloudoff, je vous en prie. J'attends de voir notre commandant en chef. Savez-vous qui vous attendez ici et maintenant? Qui donc? Les Rouges. Oh, si tôt! Mais c'est impossible! Tout ce qu'il y a de plus sûr. Nous sommes là à évoquer les saintes écritures. Et pendant ce temps, la cavalerie rouge approche de Sébastopol au grand galop par le nord. Regardez, Africanus, regardez! Oh Seigneur, le ciel est en feu! Bien vu! Embarquez au plus vite, Africanus! Embarquez! Ah le voilà volatilisé, l'évêque. Tiens, Wrangel en personne, qui brûle des archives. Kloudoff, je tenais à vous voir au plus vite. Tout le monde a pu fuir? La cavalerie a été attaquée par des paysans anarchistes. La plupart des nôtres ont échappé au massacre. De mon côté, j'ai voyagé bien calé dans mon compartiment. Ceci dit, Excellence, il fait sombre, comme à la cuisine. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? C'est quand j'étais enfant. Un soir, j'entre dans la cuisine et il y avait des cafards sur le fourneau. Je craque une allumette. Et pfff, je détale. Plus rien. L'allumette s'éteint. On entend à nouveau le frottement de leurs petites pattes dans le noir. Et les revoilà. Les revoilà. Pour nous, c'est pareil, Excellence. Dans les ténèbres, on détale. Pshut ! Je me demande où on va. Comme les cafards sur les tables de la cuisine. Tout droit dans le seau d'eau. Plaf ! Comme des cafards dans une cuisine, Excellence ! On doit vous remercier, Kloudoff, de ce que vous avez fait pour la Crimée et pour vos talents de stratège. Mais à présent, je ne vous retiens plus. Je vais moi-même retourner à l'hôtel. Pour être plus près de l'eau. Persistez dans vos insolences et je vous fais mettre aux arrêts. J'ai prévu le coup. Mon escorte est là, juste derrière. Ah, ce sera un beau scandale. Mes hommes me sont très attachés, savez-vous. Sans amour, on ne fait rien de bon à la guerre. Je vois. Il ne s'agit plus de folie, Kloudoff. Depuis un an, c'est sous de tristes pitreries que vous dissimulez l'aversion que vous me portez. Je ne cache rien, je vous déteste, Wrangel. Par envie ou par soif de pouvoir? Ah non, rien de tout ça. Je vous hais parce que vous m'avez entraîné là où nous en sommes réduits. Où sont passées les forces alliées promises? Où est l'Empire russe? Comment avez-vous pu engager l'offensive sans de véritables forces organisées? Ah! Pouvez-vous seulement imaginer la rage d'un homme forcé d'agir alors que tout ce qu'il entreprend ne mène nulle part? Vous êtes la cause de ma maladie. Baron Wrangel. Mais est-ce bien le moment de parler de sentiments quand nous disparaissons, vous et moi, dans le néant? Plaf! Je vous conseille de rester dans ce palais. Ce sera la meilleure façon de disparaître. C'est une idée, je vais y penser. Eh bien, je ne vous retiens plus, général. Alors on congédie son fidèle serviteur. Et moi qui, pour toi, me suis battu pour toi et versé mon sang, Tolstoï. Au fond! Alexandre le Grand reste un héros, mais pourquoi donc casser des chaises, Gogol? Encore un mot, Kloudoff! Et je te... La cavalerie de Simferopol est là, Excellence! Nous sommes prêts! Ah, Golovan, très bien. Partons! Nous nous reverrons, Kloudoff! Un désert à présent, ce palais. Hey! Quelqu'un? Personne? Le spectre. Alors, tu pars ou tu ne pars pas? Absurde! Absurde à la fin! Je vais te transpercer, crapuline, comme mon train a traversé le brouillard hier dans la nuit. Et voilà, tiens, tiens le spectre. Je t'ai écrasé comme un cafard. Kloudoff se pique dans la cuisse, morphine. Il se met de dos devant la cheminée comme était Wrangel. Golubkov arrive en courant dans le palais. Quelqu'un? Oh, pour l'amour du ciel, Accordez-moi une minute. Je vous en prie, entrez donc. Je sais, c'est insensé, mais on m'a promis que je pourrais vous voir en personne. Tout le monde est parti et je suis entré. Que puis-je pour vous ? J'ai couru jusqu'ici, Votre Excellence, pour vous faire part de crimes abominables commis par votre contre-espionnage. Je viens ici pour dénoncer la sauvagerie du général Kloudov. Je vous reconnais, Golubkov. Mais vous êtes bien en vie, vous ? Vous n'avez pas été pendu. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Vous faites plutôt bonne impression. Les raisons de vos plaintes. Et ne soyez pas lâche. Vous êtes venu pour parler, allez-y, parlez. Oui. Avant-hier, à la gare, vous avez fait arrêter une femme. Je me souviens. Je me souviens très bien de vous. Vous vouliez vous plaindre de moi ? À qui ? Au commandant en chef des armées, à son excellence, au baron Wrangel. Trop tard ! Plus de commandant en chef ! Plus de baron noir ! Un seau plein d'eau et plaf ! Tombé dans le néant pour toujours ! Plus personne à qui se plaindre de Kloudov ! Allô ? Le vestibule ? Passez-moi le capitaine Golovan. Golovan, vous irez à l'instant au contre-espionnage. Il y a là-bas une femme que j'ai fait arrêter hier. C'est ça, Korzoukina. Oui, oui, Serafima Vladimirovna. Serafima Vladimirovna Korzoukina, c'est exact. Si elle n'a pas été encore fusillée, amenez-la-moi au palais dans l'heure. Si elle n'a pas été fusillée, vous avez dit ? Fusillée. Fusillée. Oh non. Oh non, si vous avez fait ça ! Comportez-vous en homme, Golubkov. Moquez-vous. Ouais, je me comporterai en homme. Et si par malheur elle n'est plus en vie, je vous tuerai. C'est peut-être la meilleure des solutions, mais malheureusement, vous ne tuerez personne. Je vous tuerai. Taisez-vous ! Tu as décidé de me suivre, le spectre ? Dis quelque chose au moins, quelle crapuline, ce silence me tue. Ta voix. Elle doit sonner métal. Allez, parle, bégaye, ou sinon disparaît de ma vue. À qui parlez-vous ? Comment, à qui je parle ? On va le voir tout de suite. À personne. À moi-même, dans le miroir. Dites, qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette femme ? Votre maîtresse ? Non, non, non, je l'ai rencontrée par hasard. Oh, je l'aime. J'ai été fou de l'avoir forcée à quitter ce monastère. Elle était malade. Et pour la jeter dans la gueule du diable, oh, je suis un pauvre type. C'est vrai. Pourquoi venir vous fourrer entre mes pattes ? Qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'ici alors que le monde déraille ? Et vous venez encore vous plaindre. Elle est morte, un point c'est tout, fusillée. Oh, c'est un monstre ! Monstre ! Un ignoble monstre ! Qu'est-ce qui me prend ? Mon âme se dédouble. J'entends des propos comme à travers l'eau et je m'enfonce comme un plomb. Ah, ces salauds qui me tirent par les pieds dans les ténèbres. À présent, je vois, tu es fou, Kloudov. Je comprends tout. Les glaces de Tchongar, les sacs noirs, les pendus, les criteaux. Pourquoi n'ai-je pas sauvé ma Serafima ? Et voilà, hein, le tueur aveugle. Et qu'est-ce qu'on fait face à un démon ? Pauvre idiot ! Allez, tiens, prends. Tire, Golubkov. Allez, rends-moi service. Non, je ne vais pas te tuer, Kloudov. Tu me fais pitié. Tu me fais horreur. Tu me dégoûtes. C'est quoi cette comédie ? Écoutez, quelqu'un vient. Golovan, peut-être. On va savoir. Elle a été fusillée. Non, mon général. Elle est vivante, Serafima ? Vivante ? Où est-elle ? Où ? Du calme, Golubkov. Golovan, pourquoi ne pas l'avoir amenée ? Vous pouvez parler devant lui. À vos ordres. Hier, vers 4h de l'après-midi, le général Charnota a fait irruption dans le local du contre-espionnage Il a enlevé, sous la menace, la détenue Korzoukina. Pour aller où? Où? Silence, Golubkov. Où est-il parti? Jarnotan est monté à bord du navire, le Vitiaz. À 5 heures, le vaisseau a gagné la rade. Et puis la haute mer. C'est bien. Merci pour cette information, Golovan. Elle est donc bien vivante, votre Séraphima. Oui, oui, elle est vivante. Elle est vivante. La voilà en train de voguer vers Constantinople. Oui, oui, oui, oui, oui. Vers Constantinople. Mais je ne vais pas vous lâcher, Kudov. Regardez. Regardez les lumières du port. Emmenez-moi à Constantinople. Ah, Seigneur Dieu. Partons au plus vite, allez. Tais-toi. Chut. Dis, le spectre, qu'est-ce que tu veux? Que je parte? Que je reste? Il ne répond pas. Il blêmit. Il recule, le spectre. Il s'enfonce dans le noir. Tu es malade, Kudov, tu délires. Allez, laisse tomber. Hein? Faut faire vite, là. Le Svatichel va appareiller. On sera trop tard. Oh, nom de Dieu! Une certaine Séraphima. Oui. À Constantinople. Oui, oui. Allez! Partons! Partons! À Constantinople! Le palais s'éteint peu à peu et se défait. La haute verrière disparaît dans le noir. Kloudov et Golubkov s'éloignent ensemble vers le port qui s'éclaire. C'est l'exil. Songe 5. Janissaire Cafouille. Point d'exclamation. Constantinople. Été 1921. Une fête foraine déglinguée. À l'entrée de la fête foraine, Charnota, derrière un guéridon rouge et une valise de jouets mécaniques à la vente. Il remonte des petits singes habillés en soviets. Au lointain, une bande d'exilés, matelots, hommes du monde, vétérans, prostituées, parieurs ivres, joueurs d'accordéon, moines perdus. Ils attendent sur un banc, dans la chaleur de Constantinople. Il y a un manège squelettique, un reste de guirlande au sol, une cahute de bois bleu, une roulotte, quelques accessoires de ménage. On est du côté des vaincus. Fantasques officiers sans armée, exilés d'un pays qui n'existe plus. La petite fille est assise dans l'escalier du manège. Ils sont incassables, les pirouettes sur votre table. Achetez mes petits commissaires rouges, mes petits soviets. Amusez vos gamins. Mesdames, mesdames les Turcs, achetez pour votre enfant un diablotin rouge, un petit bolchevique sauteur. Voilà Constantinovna. Vite, Maria Constantinovna, c'est moi, votre amie Charnota. Qu'est-ce qu'il vous faut, Grigori Lyukanovitch? Ce serait pour... Enfin, je voudrais miser à crédit sur Janissaire, aujourd'hui, là. Ce n'est pas possible, général Charnota, vous le savez bien. Parlez-en à Artur Arturovitch, il est là. Il se prépare dans sa roulotte. Artur Arturovitch. Artur Arturovitch. C'est à quel sujet? En quoi puis-je vous être utile? C'est pourquoi. Ah. Vous, j'ai une demande à vous adresser. Vous savez, c'est Niette. Mais quel mufle, cet Artur Arturovitch. Qu'est-ce que t'as à te barrer avant même que j'ai fini ma phrase, histrion? Je sais parfaitement ce que vous allez me demander. Intéressant. Et qu'est-ce que j'allais te demander? En fait, c'est moi qui ai quelque chose à vous dire, Charnota. On aimerait bien savoir quoi? La maison ne fait pas de crédit. Crédit Nikamov. Quel brute. Oh, clope. Vous avez une punaise sur l'épaule, Grigory Lukanovitch, on est là. Oh, au diable la punaise. Qu'elle se balade où elle veut, ça ne me dérange pas. Cette ville est infecte. Et voilà, Maria, le travesti, sort de sa cahute, enlève sa capote militaire. Vous vous maquillez, Maria? Elle est pas mal, la perruque rousse. Vous avez le bocal des cafards? Le manège qui tourne? Artur Arturovitch! Qu'est-ce que vous avez à crier, Charnota? Arthur, tu es admirable. Te voilà en frac. Ce n'est pas un homme, Artur Arturovitch. C'est une merveille de la nature. Voilà, le roi de la course des cafards sur le toit de sa roulotte. Tu as de la chance, Arthur. À toi et ton peuple de Vénard, tout réussi. Si vous commencez avec vos allusions antisémites, Charnota, plus jamais je ne vous adresse la parole. C'est bien ce que je dis. Vous, les Hongrois, tout vous réussit. Dites, Artur Arturovitch, je compte liquider mon commerce. 50. Ouais. 50 quoi? 50 piastres. Tu te fiches de moi? Je les vends 50 piastres pièces, les petits diables. Eh bien, vas-y, vends-les. Alors, on continue à jouer les sangsues. Mais je ne vous oblige à rien, Charnota. Vous ne savez pas votre bonheur de ne pas être tombé entre mes mains en torride, Artur Arturovitch. Et Dieu merci, général Charnota, ici ce n'est pas la torride. Prends-moi les cartouchières. Elles sont en argent. 20. Les cartouchières avec l'éventaire, 2 livres 50. C'est bon. Marché conclu. Voilà pour vous, général. Il est 5 heures. La course va débuter. Prenez vos billets. Entrez, messieurs, mesdames. Prenez la ligne. Davaïtche, Maria Konstantinovna, vite. 2 livres 50 sur Janissaire. Messieurs, mesdames, un jeu russe pratiqué à la cour impériale. Du jamais vu, première mondiale, la course des cafards. L'amusement préféré de la défunte impératrice Alexandra Féodorovna à Tsarskoïe Tselo. La célébrissime course des cafards. Mesdames, messieurs, la course est ouverte. Veuillez parier. Première épreuve. En course sous le numéro 1, Perle Noire. Numéro 2, Janissaire le favori. Numéro 3, Baba Yaga, sorcière. Numéro 4, ne pleure pas, enfant. Numéro 5, Hooligan. Un candidat de dernière minute. Le numéro 6, bouton de culotte. C'est une arnaque. C'est une escroquerie. Une escroquerie? Ma course de cafard? Non, non. Mesdames, messieurs, il n'y a aucune triche. Mes cafards courent sur piste ouverte, un numéro sur le dos. Ils vivent dans une petite boîte scellée sous la surveillance d'un professeur d'entomologie, le professeur Mikhail Mikhailovitch de l'Université impériale de Kazan, échappé par miracle des geôles bolcheviques. Parieurs! Parieuses! La course des cafards va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! C'est parti, c'est parti! Oh, désolé. Lance la vapeur! Et bouton de culotte a pris l'avantage! Baba Yaga bien placé à la corde! Hooligan progresse! Ne pleure pas, enfant, assure à la corde! Oh, bouton de culotte conserve l'avantage! Janissaire sort de piste et repart en arrière! Janissaire, il cafouille! Comment ça? Janissaire cafouille? C'est pas possible! Arthurovitch, il est sulé, Janissaire à la bière. Remboursé. Il faut le tuer. Et Janissaire, tu avais la tremblotte comme ça. Janissaire qui court de traviole, on n'a jamais vu ça. Un cafard sous, ça n'existe pas. Un cafard sous. Absurde. À l'aide. Allez! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! La roulotte d'Arthur Arthurovitch, saccagée, s'enfonce dans le noir. La cahute bleue de Maria s'envole. Charnota s'est endormie sur une table. Quand il se réveillera, la fête foraine aura disparu. Dans le rêve de Charnota, des maisons en casier se mettent en place. Songe 6, séparation, oh séparation, été 1921, exil à Constantinople. Sur une friche désolée, des maisons casiers, avec des exilés russes, un vétéran, le moine peureux, Maria, le travesti, deux accordéonistes et Arthur Arthurovitch qui vit sous l'escalier. Serafima, sur un banc, fait sa lessive et fume. La petite fille, pas très loin d'elle. Au balcon, Liuska, dans un peignoir usé, met à sécher sur un fil son unique robe. Elle a faim, Liuska. Charnota, affalée sur sa table bleue. Putain de cafard, putain de course. Je suis foutu, ratissé, j'ai tout perdu. Elle va me mettre en pièces, elle va m'exterminer, la Liuska. Et si je foutais le camp, c'est pour aller où? Eh, Tchernota, on n'est pas en tauride ici, on fuit pas comme ça. Oh là là, la voilà au balcon. Beauté céleste. Mes respects, mon général sans armée. Salutations à vous. Bonsoir, Liuska. Pourquoi rentrer si tôt? À votre place, héros de l'armée blanche, j'irai traîner mes guêtres jusqu'à minuit. La maison, c'est morose. Rien à manger, pas de fric. Ah, à voir ton visage expressif, j'imagine d'heureuses nouvelles. Tiens, plus d'éventaire. Ah, plus de cartouchières. Enfin, je crois comprendre. Alors passe-moi l'argent, Charnota. On n'a rien mangé depuis hier avec Serafima. Alors sois aimable, passe. Elle est où, Serafima? Pas le sujet, elle fait sa lessive. Allez, Charnota, passe-moi l'argent. C'est la catastrophe, Liuska. Pas possible. Où sont passées les cartouchières? Je voulais les vendre. Je les ai posées par terre un instant au grand bazar. Et puis... Et puis on t'a tout volé. Ouais. On t'a tout volé. Parole d'honneur. Mais tu sais ce que t'es, Grisha. Le pire des salopards. Tiens, prends ça. Comment peux-tu oser? J'ose parce que ce matériel a été acheté avec mon argent. Nous sommes mari et femme, on met tout en commun. Oh, mais ouais. Le commerce des petits diables pour monsieur et un tout autre commerce pour madame. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais fais pas ton naïf, Charnota. L'autre jour, avec le français, ben, c'était pas pour chanter des psaumes. Quelqu'un m'a seulement demandé d'où je tenais mes 5 livres sterling. Mais on y a vécu toute la semaine sur ce prix, Séraphima, toi et moi. Et ajoute à ça que les ventères et les cartouchières n'ont pas été vendus au grand bazar, mais ont été perdus aux courses de cafards. Mais alors, si on fait le bilan, tiens, hein? Le preux chevalier de Charnota, pourfendeur du contre-espionnage russe, eh ben, il a dû quitter l'armée, et le voilà à Constantinople qui crève de faim, et moi avec! Tu vas pas me reprocher d'avoir sauvé la vie de Séraphima? Ah, mais ouais, la belle Sima, hein, rien à leur reprocher à elle. Elle soupire après son Golubkov, disparu lui, sans donner de nouvelles. Et l'illustre général, le protecteur, lui aussi, n'a qu'à se laisser vivre au crochet de Liuska. Liuska l'a traîné. Liuska? Oh, alors ça, c'est pas digne de toi, Séraphima Vladimirovna, de nous espionner. J'écoutais pas. Je n'écoute pas les conversations, c'est le hasard. Pourquoi ne m'avoir rien dit au sujet des 5 livres? Mais arrête de faire ton innocente, t'es aveugle ou quoi? Je te jure, je n'ai rien vu. Je pensais que c'était Charnota qui avait rapporté l'argent. Je le rendrai. Je les gagnerai, Liuska. Pas de grandes phrases, ça va. Ne te fâche pas. On va pas se disputer. Regardons la situation en face. Ah bah c'est tout vu. Demain, les Grecs vont nous foutre dehors. On a tout vendu, y a plus rien à bouffer. Oh, je peux pas me calmer là, tu vois, je peux pas me calmer. À vous. T'as tout perdu au jeu. Oui. Pauvre type. Mais mets-toi à ma place. Je peux pas faire vendeur de jouets. Je suis un soldat. Laisse, Liuska. Calme-toi. Un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que ça peut nous faire? Un destin mauvais nous emporte. Oh, mais le lyrisme à présent. Alors, t'es allé avec le français? Fous-moi la paix! Tu calmes. Arrêtez de vous disputer. Je vais vous rapporter de quoi dîner. Arrête. Non mais laisse tomber, Sima. Sima, t'occupe pas des affaires des autres. Non, Sima, le prends pas mal, mais y a pas d'autre solution. Voilà, moi je peux pas rester là comme ça, à crever de faim. Ouais, j'ai pas de principe, moi. Je verrai ce que tu fais pour gagner de l'argent et je resterai là sans bouger. Quelle bassesse. Tu aurais dû tout me dire. On partage le malheur et le reste. J'ai faim, moi aussi. Oh, bah, Charnota n'a qu'à vendre son revolver. Plutôt vendre mon pantalon. Je vendrai tout, Séraphima, mais pas mon revolver. Sans lui, je peux pas vivre. Eh ouais. C'est tellement plus simple de se faire entretenir par sa petite femme. Ne me provoque pas! Ose me toucher! Et cette nuit, je t'empoisonne! Arrêtez tous les deux. Je vous ai dit que vous aurez de quoi dîner. C'est la faim qui vous rend sauvage. Qu'est-ce que tu m'as inventé, pauvre idiote? Je suis plus une idiote. Je l'ai été, oui. Quelle importance ce qu'on vend. C'est si peu de choses. Non. Attendez-moi. Non, Sima. Et sans vous battre, par pitié. Sima. Séraphima. Sima, reste. Séraphima. Sima. Cette ville infecte. Ces punaises. Ce Bosphore. Et toi, là. Tais-toi. Je te déteste. Je me déteste, moi aussi. Et tous les Russes et tous les exilés, je les déteste. Et toi aussi, Maria, je te déteste. Oh, et toi, toi, Arthur Arturovitch, je te déteste. Partir, mais où? À Paris? Berlin? Ou alors Madrid? Je connais pas Madrid. Et tu vas arrêter de me briser le cœur avec ta musique, sale gueule de dur. Non, c'est pas vrai. Grigory Lukanovitch, Charnota. Oh, je savais bien que je vous retrouverais. Quoi? C'est toi? Professeur? J'ai trouvé. Oh. Je t'avais pris pour un turc, Golubkov. On te croyait rester chez les bolcheviks. Mais de quoi t'as l'air? Tu as vieilli. Tu as disparu où pendant 6 mois? J'ai moisi dans un camp. J'ai attrapé le typhus. 2 mois d'hôpital. Et là, j'erre dans Constantinople. Ah, Kloudov est chez moi. Tu sais qu'il a été dégradé et exclu de l'armée? Moi aussi, l'ami. Je suis dans le civil. On en a vu des choses. Un orc de barbarie. C'est pas mal. un orgue de barbarie. Mmh. L'astuce, j'entre dans les arrières-cours, je joue... Et je la cherche. Merci. Ah, bah non, je ne fume pas. Dis-moi, elle est morte. N'aie pas peur, je suis prêt à tout entendre. Serafima ? Pourquoi morte ? Elle a guéri ? Elle est bien vivante. Oh, je l'ai retrouvée ! Je dois te dire, Golubkov, ici c'est la mouise. On est au bout du rouleau. Elle est où, Serafima ? Pas loin. Elle va revenir. Elle est allée à Pera. Ah. Lever des types. Quoi ? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? On crève de faim, nous. Plus de cartouchières, plus un sou, plus rien. Non, mais comment ça ? Elle est allée à Pera lever des types. Oh non, tu mens. Quoi, tu mens ? Oh non. J'ai pas vraiment fumé depuis ce matin, moi. Je sens que je vais partir pour Madrid. J'en ai rêvé cette nuit. Le commerçant grec entre avec Serafima. Il tient un paquet de provisions. C'est un peu le souk où nous vivons, vous verrez. Il monte l'escalier. Charnota s'éloigne. Golubkov se cache. Et prenons l'escalier pour chez moi, pour ma chambre. C'est charmant. Très charmant, jeune fille. Oh, un revolver, là. Oh, je crains vous déranger, madame. Mais Charnota, mais qu'est-ce que vous faites avec cette arme? Mon Dieu, Golubkov! Vous, ici? Serafima, monsieur le grec. Mais pas pourquoi, mais disiez-vous, soldat. Qu'est-ce que... Oh, quelle honte. Ah, je suis tombé dans un piège. Je vois bien. J'ai des voyous. Pardonnez, monsieur, c'est un horrible malentendu. Oh, mon Dieu. Oh, attendez, soldat. Et prenez mes courses. Et mon portefeuille. Ma montre. Je tiens la vie. J'ai la famille, le magasin, les enfants. Parole, je dirai rien à la police, rassurez-vous. Et loue le Seigneur. Fichez-moi le camp, le grec. Oh, Golubkov, vous ici. Oh, vous croyez en Russie? Brillante apparition. Alyuska. Et vous? Serafima Vladimirovna. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? J'ai traversé la mer, j'ai fui, il y a eu l'hôpital. Regardez, j'ai encore le crâne rasé là. Tout ça pour te retrouver. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Serafima? Qui, Golubkov, vous a permis de m'adresser des reproches? Je t'aime. Je t'ai cherché partout pour te le dire. Laissez-moi. Je ne veux plus rien écouter, j'en ai assez. Pourquoi vouloir me rejoindre? C'est la misère ici. Je ne veux pas de vous. Je veux être seule et me perdre. Honte, mon Dieu, honte et déshonneur. Non, Serafima. Adieu. Ne partez pas. Je vous en supplie. Rien ne me fera revenir. Ouais, c'est comme ça. Ah, tiens, je tire. Allez, mon revolver. T'es devenu fou, quoi. Tu veux finir en taule? Non, laisse-moi. De toute façon, je la retrouverai. Je la retiendrai. Ça va. Ah, pour du spectacle, ça, c'est du spectacle. Les Grecs n'en reviennent pas. Bon, ça ira comme ça, là. Charnota, on ouvre le paquet. Les provisions du grec, j'ai faim, moi. Non, on n'y toucherait pas, Liuska. On n'y touchera pas, ce bazar. Alors là... Mes petits messieurs, ma patience est à bout. J'aurais bu le calice de Constantinople jusqu'à la lie, mais à présent, oh, à présent, mais ça suffit! Mais oui, mais ça suffit! Ça suffit! Allez, Charnota, tous mes voeux t'accompagnent. C'est terminé entre nous. Moi, Liuska, j'ai des relations à l'Orient Express, mais j'ai été bien folle de rester 6 mois à croupir ici. Mais adieu! Où tu vas? À Paris. Je vais à Paris. À Paris, Paris, à Paris. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Elle est partie. T'as pas faim? C'est pas vrai. Roman Kloudov. Salut. Charlotte. Décidément, je suis à la trace. Celui-là qui joue de son gringrin, je l'ai soigné. Maintenant, il s'est mis en tête de me guérir. Alors, toujours rien, Golubkov? Si, si, Kloudov, je l'ai retrouvé, Serafima, mais me demande rien, me pose pas de questions. Je me mêle de rien, c'est ton affaire. Kloudov, attends! Je te demande juste une seule chose. Tu es le seul à pouvoir faire ça. Rattrape-la, elle s'est enfuie. Retiens-la, protège-la. Pourquoi? Fais-le toi-même. Je pars pour Paris. Je vais trouver Korzoukine. Il est riche, c'est son mari, il doit l'aider. C'est à cause de lui qu'elle en est là. Et tu comptes partir comment? Qui va te faire rentrer en France? J'y vais en clandestin. À fond de cale, jusqu'à Marseille. Et moi? Je vais devoir la surveiller longtemps, ta Serafima. Je reviendrai assez vite et je te jure que je te demanderai plus rien. Chut! Disparais, crapiline. Non, personne. Il est pas mal le chaperon Serafima. Il débloque, hein. Ne le regarde pas, il se bat contre un fantôme. Bon, elle est partie où, cette femme? Surtout qu'elle ne finisse pas sur le trottoir. Jamais. Jamais si je m'occupe d'elle. Un jour, un soldat m'a dit... Comment qu'on peut échapper à toi, Kloudov? Laissons tomber le passé. Golubkov, tu n'as pas d'argent. Pas besoin d'argent. Fais pas l'idiot. Tiens, prends ces deux billets, c'est tout ce que j'ai. Et ce médaillon aussi. Tu pourras toujours le vendre. Prends. Il fait déjà noir. Constantinople. Quelle ville atroce. Je pars avec toi. Je pensais Madrid, mais Paris, c'est plus convenable. Arthur Arturovitch aussi est du voyage. Ils vont en faire une tête, nos logeurs grecs. Jamais un peu de fraîcheur, ni le jour ni la nuit. Allez, Golubkov, va pour Paris. Les maisons Cazier s'éloignent. Apparaît un intérieur parisien très confortable. Coffre-fort, table de jeu, téléphone, sofa, pan empaillé. Songe 7. Trois cartes. Trois cartes. Trois cartes. Paris. Automne 1921. Un hôtel particulier chez Korzoukine, ex-ministre du commerce. Dans l'antichambre, devant le salon, Antoine le valet, assis près du chat, cire des chaussures. Quatre carreaux, moi. Antoine! Slow, joyeuse. Sachez, Antoine, qu'ici, à Paris, on s'exprime en langue russe pour dire des insanités. Ou pire encore, des slogans subversifs. Et ça n'est pas très apprécié. Faites entrer! Et si par chance c'était un partenaire de jeu? Je reste à la maison aujourd'hui. Je souhaiterais m'entretenir avec M. Korzoukine. Veuillez annoncer Golubkov, de Constantinople. Monsieur Golubkov, de Constantinople. Qui est ce Golubkov? Entrez. Golubkov, en quoi puis-je vous être utile? Vous ne me remettez pas? Vraiment? Bon, il y a un an, nous nous sommes rencontrés dans une gare, en Crimée. Une nuit épouvantable. Votre femme avait été arrêtée. À présent, elle est à Constantinople et dans la misère. Dans la misère? Pardonnez-moi, monsieur, mais d'une part, je n'ai jamais eu d'épouse. D'autre part, je n'ai aucun souvenir de cette gare. Comment? Mais si, rappelez-vous, un froid terrible, les sacs qui pendent, les rouges venaient de prendre la Crimée. Non, pas le moindre souvenir. Vous devez faire erreur. Enfin, vous, Vous êtes bien Paramon Ilyich Korzoukhin. Je ne rêve pas. Et vous étiez en Crimée. Moi, je vous reconnais. J'ai en effet passé quelque temps en Crimée sous le commandement de généraux moitié fous. Ah, mais voyez-vous, j'en suis parti et je n'ai plus aucun lien avec la Russie. Et je ne souhaite pas en avoir. Sachez, cher monsieur, que je suis à présent de nationalité française. Oh. Et que je n'ai jamais été marié. Je ne vous cacherai pas que j'ai chez moi depuis 3 mois une secrétaire particulière. Une émigrée russe, qui elle aussi a été naturalisée sous le nom bien français de Freischel. Cette jeune femme ne m'est pas indifférente. Et je suis sur le point de l'épouser. Vous comprendrez bien, monsieur Golubkov, que toute allusion à l'existence d'une femme que j'aurais eue serait absolument déplacée. Freischel, vous reniez la femme qui a fui pour vous rejoindre. Vous savez qu'elle a été arrêtée, Serafima. Rappelez-vous, le froid, les trains, les réverbères, la lune bleue. Vous vous souvenez, non? Ah, oh, c'est ça. La lune bleue, le froid, les réverbères. Une fois déjà, le contre-espionnage a tenté de me faire chanter sous le prétexte que j'aurais une épouse communiste. Cette conversation, monsieur Golubkov, est tout à fait malvenue. Je vous le redis. Non, mais je rêve. Sans l'ombre d'un doute. Écoutez, je comprends. Cette femme vous gêne, c'est très bien. Serafima n'est pas votre épouse, c'est parfait. C'est mieux ainsi parce que je l'aime, moi. Vous savez, et oui, je ferai tout pour l'arracher à cette misère noire. Je vous demande juste de l'aider, provisoirement. Vous êtes riche? Ah bah si, si. Tout le monde sait que vos capitaux ont été placés à l'étranger. Mon coffre. Prêtez-moi 1 000 $. Dès que nous aurons retrouvé une meilleure situation, je vous promets de vous les rendre intégralement. Je les gagnerai, j'en ferai le but de ma vie. Je vous demande pardon, Golubkov. Ah, mais je me doutais bien que cette histoire improbable de famille imaginaire mènerait à tous les coups à une affaire de dollars. 1 000, dites-vous? J'ai bien entendu? 1 000 $. Oui, je vous jure que je vous les rendrai. Ah, jeune homme, avant de vous parler de 1 000 $, laissez-moi vous raconter ce qu'est 1 $. Le dollar, ce grand esprit dans sa toute-puissance. Le dollar est partout. Regardez, là-bas, au loin, sur les toits, un rayon d'or. Et pas loin, haut dans les airs, un chat noir qui se voue. Une gargouille fabuleuse, il est là, le dollar, et la gargouille veille sur lui. Sensation confuse, bruit continu et flou, une ample respiration de la terre. Les trains filent comme des flèches et transportent le dollar. Fermez les yeux à présent et imaginez dans les ténèbres une vague. Une vague haute comme une montagne. Imaginez ces ténèbres et la force de l'océan terrible qui va tout engloutir. Alors, au milieu de cette mer, dans un chuintement de chaudière, un monstre s'avance. Il soulève des tonnes d'eau. Il avance, gémit. Et sur son dos, il porte le feu. Le monstre fend la haute mer avec peine. Et dans la salle des machines infernales, là où manœuvrent des soutiens nus, il transporte son cœur divin. Le dollar. Tout à coup, le monde entier tressaille. Les hommes se mettent en marche. En voilà qui s'avance en courant. Ils ont des milliers, des millions, avec des parures, des tenues magnifiques, des casques d'acier. Ils se jettent en hurlant sur les barbelés. Pourquoi cette manœuvre? Parce que quelque part, on a offensé le divin dollar. Tout s'apaise à présent. Partout dans les villes, les cuivres retentissent en l'honneur du dieu dollar. Écoutez, écoutez, on exulte, le dollar est vengé. Voilà pourquoi, monsieur Golubkov, vous n'insisterez pas pour que je remette au premier venu que vous êtes une liasse de 1 000 $. En effet, je n'insisterai pas. Et je vous dirai, monsieur Korzoukhin, avant de repartir de chez vous, que vous êtes un homme sans cœur et l'être le plus ignoble qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ma vie. Vous serez puni tôt ou tard. C'est écrit. Adieu. Général Chanota. Eh bien, c'est la journée des Russes. Faites entrer, Antoine. Faites entrer. Salut, Kozoukin. Mon ami, mon petit paramone, mon paramoshka à moi. Que je t'embrasse. Nous nous serions déjà rencontrés. Voilà une question. Tu rêves, Paramon, et Sébastopol, alors? Oui, ravi de vous voir. Excusez-moi, c'est au cours d'une soirée arrosée que nous aurions... Une soirée? Je ne vois pas, mais si on s'est rencontrés, on a dû boire. Pardonnez-moi, mais vous êtes venu jusqu'ici en caleçon? Ça t'étonne? Note que je ne suis pas une femme, ça serait indécent chez une femme. Vous êtes général? Et vous vous êtes promené dans cette tenue dans les rues de Paris? Eh oui! J'ai pas attendu d'être chez toi pour retirer mon pantalon. La question est idiote. Oh, pardon, en effet. Mais c'est qui celui-là? Arthur Arturovitch, roi des cafards. Alors Golubkov, il a casqué? Tu les as les dollars? Non, je m'en vais. Sortons. Mais pour aller où? Qu'est-ce qui se passe, Paramon? Tes compatriotes sont là, devant toi. Ils ont combattu les bolcheviks pour toi et tu leur refuserais une somme insignifiante? Tu as bien saisi que Serafima crève de faim à Constantinople? Et toi, Grigori, je t'en prie, partons. Tu sais, Korzoukine, je suis un sale type. Je pourrais m'enrôler chez les bolcheviks juste pour te faire fusiller, juste pour ça. Après, je repasse du côté des Blancs. Attends. Des cartes. Tu es joueur? Rien d'étonnant. Je joue et j'aime ça. Tu es joueur? Tu joues à quoi? Au 9 gagnant, figure-toi, parce que j'aime ça. On se fait une petite partie? Ce serait avec plaisir, mais je ne joue que pour de l'argent. Arrête de t'humilier, Grigori, partons. Je ne vois rien d'humiliant à l'aventure. Golubkov, passe-moi le médaillon de Kloudov. Est-ce qu'on ne t'a pas dit en cas d'extrême nécessité? Le voilà, au point où j'en suis. Et puis moi, je m'en vais. Pas question, je ne te lâche pas. Avec la tête que tu as, tu irais te jeter dans la Seine. Combien pour le médaillon, Korzoukine? Oh! Jolie chose. Eh bien, disons... 10 dollars. Tout de même, Paramon, l'objet vaut bien plus, mais tu n'es pas connaisseur à ce que je vois. Va pour 10 dollars. Et il s'appelle comment, ton gars? Antoine! Antoine! Apporte de quoi manger, mon gars. Yahachou yist. On joue combien? Eh bien, disons... 10 dollars. Carte. 9. Je double la mise. Une autre carte? Oui. 7. Soit. Quitte ou double? Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Il va tout te reprendre. Écoute, si tu sais mieux que moi, prends ma place. Non, je ne sais pas jouer. Alors pousse-toi de mon soleil. Carte. Oui. Oh, merde, j'ai le joker. J'ai 3 points. Vous ne faites pas de rentrée? Parfois, ça dépend. Un petit verre, Golubkov? Pas envie. Et toi, Paramon? Merci, j'ai dîné. Bien. Carte? Oui. 160 dollars. 160 dollars? Je suis. Apparition dans le jardin d'hiver d'une troupe qui chante la Dame de Pique. J'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi. Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas pourquoi. 9. Oh, mais c'est inouï. 320. 320. Veuillez payer comptant, s'il vous plaît. Arrête, Chanota, maintenant je t'en supplie, laisse tomber. Sois gentil, Golubkov, trouve-toi une occupation. Va regarder un album. Le cash, s'il vous plaît. Tout de suite. Mon coffre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alarme. C'est l'alarme de mon coffre. Ah, belle mécanique. On reprend? 8. Vous suivez? 640 dollars. 640 dollars. La banque n'accepte pas l'enjeu. Vous jouez bien. Combien misez-vous? 50. 50. Allons-y. 9. Capot. Payé. Je vous en prie. 500. 590. Tu as le démon du jeu, Korsukin. C'est ta faille, ton point faible. Charlotte, je t'en supplie, pardon. J'ai un 7. 7 et demi. Je plaisante. 8. Oh, j'ai gagné. Golubkov fait rouler le coffre-fort. Korsukin prend des billets et les pose sur la table. Korsukin débraillé, gris, ébouriffé. Sur la table, deux montagnes de billets de banque. Charnota boit. Korsukin danse avec son coffre. Golubkov range les billets sur le tapis. Heureusement, les pendules sont immortelles. Le coup pour toi sera mortel. Trois cartes. La dame de pique, vous savez, notre grand Tchaïkovski, le destin. Hermann, la vieille comtesse. La mort du joueur. Je passe. 400 pour moi. En jeu, à 3000. 3000. Le cash. Paris plongé dans une aube bleue. Tu n'aurais pas du papier journal pour emballer tout ça? Non, je n'ai pas les journaux. Rendez-moi les billets et je vous fais un chèque. Voyons, Korsukin, vraiment? Tu crois qu'une banque va remettre 20 000 dollars à un gars en caleçon? N'y compte pas. Charlotte, rachète-lui le médaillon, je veux le rapporter. 300 dollars, le médaillon. Oh, 300 dollars. Allez, tiens. Les billets, tapis de table, le baluchon. Eh bien, salut Paramocha, on s'est un peu incrusté chez toi maintenant. Non, attends. Je délire, j'ai de la fièvre. Je ne comprends plus rien. Oh, si, vous avez profité de ma faiblesse, de ma sensibilité. Rendez-moi mon argent et je vous donne à chacun 500 dollars de dédit. Ah, tu plaisantes, s'exclama l'animal rusé. Ça, c'est dans la fable Le Loup et la Grue de Krylov. Alors là, j'appelle la police et je dis que vous m'avez cambriolé. Et vous serez arrêté, illico presto, pauvre minable. Tu entends ça, Golubkov? Eh bien, Paramon, fais ta prière à Notre-Dame de Paris. Ta dernière heure est arrivée. Ah, au secours! Au secours! Mais tout le monde dort dans cette maison. On me dépouille, on me tue, et personne ne bouge. À moi! Au secours! Au secours! Cachemar. Cauchemar. Moi qui croyais enfin être débarrassé du bazar russe. Moi qui croyais enfin avoir le droit de me reposer. Mais non, il faut que ça recommence. Oh! Mais j'ai rêvé de cafard cette nuit. Mais ça, c'est pas par hasard. Messieurs. Ah, oh, mais comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? Ça, j'aimerais savoir. C'est elle. Jouska. Vous connaissez Mademoiselle Fragel? Non. D'où pourrais-je connaître Mademoiselle Fragel? Aucune idée de qui elle est. Aucune idée. Oh, eh ben alors je me présente. Lucie Fragel. Général Charnota. Arthur Arturovitch, roi des cafards. Et lui, c'est Golubkov. Bon, eh bien, messieurs, quel est le litige, hein? Et toi, oh, mon petit rat, pourquoi tu criais si fort? Oh, on t'a fait du mal? Il m'a gagné 20 000 dollars, celui-là. Et je veux qu'il me les rende. C'est abject. Oh, mais non! Mon petit crapaud. Alors ça ne se fait pas. Mais bon, voilà, tu as perdu, hein, tu n'es plus un petit garçon. Je veux savoir où Antoine a acheté les cartes. Vous avez acheté par mon idée. Antoine! Oh, allez au diable, Antoine! Non, mais dans quelle tenue vous présentez-vous devant moi? Oh, avec cette robe de garce! Bon. Oh, mais cet argent vous appartient, messieurs. Il n'y a aucun malentendu. Hein, et toi, mon petit loup, mon petit rat? Oh, va dormir, tu as des cernes sous les yeux. C'est idiot d'Antoine, je vais le virer. Idiote! Qu'il ne s'avise plus jamais d'introduire un seul russe chez moi. Oh, messieurs, j'ai été ravie de rencontrer des compatriotes et je regrette sincèrement d'être amenée à ne plus jamais vous revoir à l'avenir, Charnota. Oh. Vous avez le pactole? Fichez-moi le camp! Antoine, ces trois messieurs nous quittent. Raccompagnez-les, Antoine. Au revoir, Mademoiselle Fréjol. On file! L'amour a surgi devant nous, comme surgit l'assassin d'une ruelle obscure. Et il nous a frappés tous deux, comme la foudre, comme le poignard. Merci, mon Dieu. Ils sont partis. Mais quand aurai-je enfin la paix? Adieu, Golubkov. Prends soin de Serafima. Et toi, Tchernota, va t'acheter un pantalon. Plus jamais un seul russe chez moi. Plus jamais un seul russe chez moi. Sous les éclairs, l'appartement parisien se disloque. Tous courent sous l'orage, emportant des objets dans la nuit. Korzoukine s'éloigne, roulant son coffre. Il ne reste plus que le chat sur le placard. Songe 8, dernier songe. Il était 12 brigands. Automne 1921, une gare de transit. Alors, Krapiline, tu cesses de me tourmenter? Comment tu as fait pour t'échapper de l'enfilade des réverbères, pour échapper au repos éternel? Tu n'étais pas le seul. Ah non, vous étiez nombreux à pendre dans vos sacs. Souviens-toi d'eux, Seigneur! Souviens-toi d'eux. Allez, faut plus y penser. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé après la catastrophe? Il faisait noir, on s'en est sorti, c'est tout. Qui est là? C'est moi, Serafima. 2 mois que je vis près de vous et je vous entends parler la nuit. Vous délirez, mon pauvre Kloudov. C'est la défaite. Nous avons perdu la guerre. Nous avons été jetés dehors. Pourquoi nous avons perdu? Vous le savez, vous? Là-bas, j'ai commis des crimes terribles. Le jour où Golubkov est parti, vous m'avez ramené de force, vous vous souvenez? Vous étiez tous devenus fous. Kloudov ne peut plus faire de mal à personne. Vous vous rappelez? Kloudov le chacal. Kloudov la bête féroce. Combien de temps va encore rester là? Golubkov va revenir. Tout rentrera dans l'ordre, je vous confie à lui, et puis chacun sa route, fin de l'histoire. Comme il me manque, il est perdu, peut-être mort. Votre mari est là-bas, il a de l'argent. J'ai plus de mari, je l'ai effacé, je le maudis. Dire que je l'avais entre les mains, le Korzoukine, et je l'ai laissé filer. C'est décidé, les Cosaques sont autorisés à rentrer en Russie, cette nuit je pars avec eux. Brillante idée, le retour. Vous n'avez rien fait aux bolcheviks, vous. Vous pouvez tranquillement rentrer en Russie. Et qu'allez-vous devenir, Roman? Je vais rentrer aussi. Je me présenterai devant eux. Kloudov, c'est moi. Je suis de retour. Mais ils vous fusilleront. Sur le champ, en manche de chemise. Imaginez, un sous-sol, un soupirail, la neige et puis... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Terminé. Qui est là? C'est bien eux. Ils sont de retour tous les trois. Et Golubkov est là, parfait. Serafima. Oh. Eh ben, Osima. Bonjour. Je vous croyais disparu, vous m'avez tellement manqué. Que s'est-il passé pendant ces 18 mois? Avons-nous rêvé? Dis-moi, nous avons fui, ou pourquoi? Je veux revoir Maru Caravanaya, je veux voir la neige. Tout oublié, comme si rien de tout ça n'avait existé. Ce n'est qu'une illusion, un mauvais rêve. Dans un mois, nous serons en Russie, il neigera et la neige effacera nos pas. Tu as revu mon mari à Paris? Mm-hmm. Oublie-le, il y a une autre femme. Ah bon? Et c'est Liuska. Fréjol. C'est Fréjol, une Française et une actrice. C'est sans importance. Tu es libre. Allez, adieu Roman. Reprends ton médaillon. Adieu tous. Le destin nous sépare. Les uns rentrent se faire tuer, les autres rejoignent Pétersbourg. Et moi, Tchernota, je reste. Je ne rentre pas. Je suis le juif errant, le hollandais volant, un pauvre chien. Salut. Alors voilà, il danse encore, le roi des cafards. Salut à toi, Arthur Arturovitch. Pour vous servir, général. En ville? À la ville comme à la ville. L'ancienne ville est morte. La ville a 1000 ans. Les pavés brûlent, le Kremlin est désert. Les jours sont autres. On rêve tout éveillé. La cloche de la cathédrale sonne. Don, don, don. Et la vieille princesse restera avec ses larmes parmi ses coffres, à manier ses menus objets et à remuer ses souvenirs. Serafima, Golubkov, Liuska, Brizard, Golovan, Korzoukine, Krapiline, Tiki, Africanus, les vétérans, avec la fragilité de spectre, la perdition de l'exil, Avec de petits gestes retrouvés, traces de leur vie, ils dansent. Enfin débarrassés d'eux. Oui. Oui, oui, tout de suite que Rapéline. Ah. Il s'en va, le planton. Comme il est pâle. Empire de fange. Empire de pourriture. Course de cafards. Adieu. Cloudoff tombe au pied du banc. La petite fille le secoue du bout du pied. Cloudoff se relève. Il rejoint la danse. Tout s'efface dans le noir. Comédie fantastique en 8 songes de Mikhaïl Bulgakov. D'après la mise en scène et l'adaptation radiophonique de Masha Makeyev. Traduit du russe par Jean-Louis Chavarro. Avec Pascal Rénéric, Vanessa Fonte, Vincent Winterhalter, Hervé Lassaïns, Geoffroy Rondeau, Alain Fromager, Pierre Ancis, Sylvain Levitte, Samuel Glomé, Karil Elgrichi, Caroline Espargilière, et les voix de Masha Makeyev et Jérôme Deschamps. Création sonore, Sébastien Trouvé. Accordéon, Maxime Perrin. Conseiller littéraire, Guillaume Foy. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. La fuite, comédie fantastique en 8 songes, est un spectacle de Masha Makeyev créé à la Criée, Théâtre National de Marseille, en octobre 2017, et réalisé en partenariat avec France Culture, au 7 bis, lieu de création de la compagnie Deschamps et Makeyev, à Paris, en octobre 2020. Le texte est publié aux éditions Gallimard. Remerciements chaleureux à Charles Meynier.